Molt benvinguts i benvingudes. Una setmana més ens trobem a través d'aquesta sintonia i a través del blog de Hola la Música per portar-vos música cantada en francès durant els propers 60 minuts. Com sempre, comencem amb una cançó que ens parla de música i en aquest cas la convidada d'avui és la France Gall, Tot per la Música. Salutacions de Rafael Corbí. Comencem. Tot per la Música, amb France Gall, excepcional intèrpret nascut a París el 1947. Així ens va portar molta i excepcional música i cançons i una veu tan dolça. Avui us presentem a Hola la Music a Jean-Louis Mougat. Ell serà el primer dels protagonistes amb tres cançons que us triem per al programa d'avui. Thank you. Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. Allez suer belle tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits doux dans la bruyère où mon sans souci. Dieu les enfants aiment la sieste d'eau tout étourdie. Les filles de Cadet Roussel pendant ce répit. Venez pour une heure à peine voir les gars du pays. Venez chanter dans la bruyère au mont sans souci. J'en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie. Je suivais comme Davy Croquette son large parapluie. Au Cinévox, elle m'emmenait voir un guitare Johnny. Je n'avais qu'une idée en tête, le mont sans souci. J'aimais déjà dire je t'aime, je lui dis. Je savais que dans une semaine elle serait loin d'ici. Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies. D'un éclat mauve de bruyère au mont sans souci. Les baisers, le doux manège, viens donc que je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit. Quand s'entrouvrait la lumière, les portes du paradis. J'aurais passé ma vie entière au mont sans souci. Herbe têtue, rouge calèche, toboggan rentré. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve délétère n'éclaire plus ma vie. Je vais dormir dans la bruyère au mont sans souci. Perdu pour la la fin du pas. Així hem escoltat la música de Jean-Louis Mugat, aquest personatge conegut amb aquest nom, però és Jean-Louis Bertegau, que va néixer el 28 de gener de 1952 a Chamalier i destaca la seva tasca des que va debutar el 1984 com a compositor, cantant i actor també francès. Des de Puydom ens acompanyava en la seva música. Avui l'hem pogut escoltar amb algunes cançons, ens en falta una, aquesta llarga segona peça que hem escoltat, que ens portava des de la seva ampla discografia. Hem sentit cançons de l'any 2000, la primera d'elles, aquesta segona és del seu àlbum Venus, i la tercera, aquest nou sentiment, que ens arriba des d'un àlbum que va publicar l'any 1991. J'avais perdu le goût des choses, sans avoir idée de la cause. La naissance des temps nouveaux me surprit bientôt. La poussière bleue du chagrin s'est levée sur tous les chemins où courait comme feu follet. Mon ami garé, puis il y eut ce sentiment nouveau, ce souffle sur ma peau, le plaisir avec toi. Puis il y eut la joie d'être éveillé. Esteu escoltant Oh La La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Tu as l'air fatigué, tu ne tiens pas debout. Ton visage est marqué, tu finiras sur les genoux. Tes chaos, Dors mon frère, il fait trop chaud sur les grandes artères. Range ton ego, cesse de faire le fier. Je pose mon veto, va pas te foutre en l'air. Parti à la hâte, tu n'as pas déjeuné. Tu attendais cette date sans vraiment t'y préparer. T'es KO, dors mon frère, il fait trop chaud sur les grandes artères. Range ton ego, cesse de faire le fier. Je pose mon veto, va pas te foutre en l'air. Battre un record, arriver au dernier mètre. Tu redoubles d'efforts quand soudain ton cœur s'arrête. À corps perdu jusqu'à la fontaine, tu as accouru avec le teint blême. En quelques secondes, le ciel devient terne. Tu quittes ce monde, ce que tu aimes. Trop bête, aurais-tu perdu la tête? Toi qui aimes faire la fête, marche les ces 20 kilomètres. C'est con, c'est trop bête. Bois de l'eau, respire, ça aide. À corps perdu jusqu'à la fontaine, tu as couru avec le emblème. En quelques secondes, le ciel devient terne. Tu quittes ce monde, ce que tu aimes. Requiem, un 18 mai, 27 ans à peine. Tu auras couru jusqu'à perdre haleine. Tu auras crié que la vie est belle. Des de Bèlgica ens arriba amb el seu àlbum de debut Lucy Valentin, s'anomena, i ens aporta aquest àlbum de debut amb un total de 15 cançons que s'hi troben incloses. La vie belle, la vida és bella. Precisament aquest 2020, dos àlbums porten el nom d'aquest mateix títol, La vie belle, la vida és bella. L'altre, que jo sàpiga, és el de Rolando, que també algun dia d'aquests l'escoltarem amb el nostre programa. Lucy Valentin, des de Bèlgica, cançons com aquesta que dona nom al treball discogràfic o altres, després d'un munt de concerts, de molts de clips penjats a través de les xarxes socials, que són les que li han donat aquesta vitalitat, aquesta visibilitat en el món de la música, amb aquest pop cantat en francès, un pop sensible, un pop amb molts colors, diria jo, amb aquesta cantautora, intèrpreta belga, que ens arriba d'aquesta manera, amb bones cançons. N'anireu escoltant. Els productors també d'aquest seu primer àlbum també són belgues, Mas Montagnier, Conova, Thibaut de May i en Nico Davel. Escoltem-la bé, perquè promet ser una cantant de futur. Carpe Diem, Telac i una dona objecte són les altres tres cançons que he triat de les 15 d'aquest àlbum de debut de Lucy Valentin. À l'aube de mes 31 printemps, mon corps de femme rejoint l'âme d'enfant. Ils sont loin pourtant, les jours innocents. Est-il possible d'être heureux quand on entend saigner la terre? Allons-nous vivre vieux? Connaîtrons-nous la troisième guerre? Je pleure et puis je prie. Les mots dits tout haut soulagent mes cris. Je meurs. D'impuissance face à la misère qui gronde, si ce n'est bénir ma chance. À chaque pas, chaque seconde, est-il possible d'être heureux quand on entend saigner la terre? Allons-nous vivre vieux? Changerons-nous d'atmosphère? Je pleure et puis je prie. Les mots dits tout haut soulagent mes cris. Je meurs et puis je ris. Mon cœur se vide comme il se remplit. Nos âmes de givre et carpe diem. Se dire je t'aime pour nos âmes. Les mots dits tout haut soulagent mes cris. Aujourd'hui tu as environ 282 likes, 10 abonnés disons et 3 écoutes sur SoundCloud. Pour que les gens du métier te donnent un petit coup de pouce, travaille encore, ils finiront à tes trousses. Alors toi sur ta page, reste fidèle à ta personne. Si tu aimes ce que tu partages, le reste on s'en tamponne. Tu m'as déjà liké. Est-ce qu'on t'a déjà liké? Tu peux toujours aller les acheter, tes likes. Tu passes combien de temps le nez collé à ton écran? Pour un commentaire, une vue en plus, c'est badant. Badant. C'est ça, tu n'es pas accro. Tu veux simplement que l'on te follow. Mais je ne te vois pas sur WhatsApp ni Snapchat. Et tu oublies les hashtags. Je ne te vois pas sur WhatsApp ni Snapchat. J'ai vu ton nouveau clip, c'est vrai, c'est un peu cheap. Mais bon, dans l'autoprod, on n'a pas souvent le fric. T'aurais pu sonner tes amis pour qu'ils figurent aussi. Car plus on est de fous, plus on fait de selfies. Plus on est de fous, plus on fait de selfies. Est-ce que tu m'a déjà liké. Est-ce qu'on t'a déjà liké? Tu peux toujours aller les acheter. Des likes, tu passes combien de temps le nez collé à ton écran? Pour un commentaire, une vue en plus, c'est badant. Badant. Si c'est tu n'es pas accro, tu veux simplement que l'on te follow. Mais je ne te vois pas sur WhatsApp ni Snapchat. Et tu oublies les hashtags. Je ne te vois pas sur WhatsApp ni Snapchat. C'est un jeu pathétique où tu gonfles les statistiques en demandant à ta clique qu'elle te clique reclique. C'est un jeu pathétique, mais pour gonfler les statistiques, j'ai besoin qu'on me clique, j'ai besoin qu'on me clique. Est-ce qu'on t'a déjà liké? Tu peux toujours aller les acheter. Tes likes, tu passes combien de temps le nez collé à ton écran? Pour un commentaire, une vue en plus, c'est badant. Si ça tu n'es pas accro, tu veux simplement que l'on te follow. Mais je ne te vois pas sur WhatsApp ni Snapchat. Et tu oublies les hashtags. Je ne te vois pas sur WhatsApp ni Snapchat. Mais non, tu n'es pas perché de penser que tu peux percer, non pas perché de penser que tu peux percer. Je suis malade, examine-moi. Contaminé par ce je ne sais quoi. 40 de fièvre, je ne l'invente pas. Je bois du genièvre, mais ça ne passe pas. Est-ce la veste que tu me prêtas? Tu avais peur que j'attrape froid. Moi qui déteste quand on prend soin de moi. Non, je n'y comprends rien, tu vois. Femme objet de petite vertu, je deviens ton sujet quand je me mets nu. Femme objet de petite vertu, je deviens ton sujet quand je me mets nu. Les soirs où tu descends la vitre de ta Roméo pour te payer mon corps recto verso. Je monte avec toi, rêveuse et secrète. Entre tes draps, je me sens Juliette. Depuis que j'ai goûté à ta chaleur, sans dessus dessous, mes billets d'humeur. Je pense à toi, à chacun de mes ébats. Je chante à tout va, ma maladie du bonheur. Femme objet de petite vertu, sujet quand je me mets à nu. Femme objet de petite vertu, je deviens ton sujet quand je me mets à nu. Je suis malade, folle, dingue de toi. De l'avenue Louis, s'il te plaît, enlève-moi. Je te courtiserai, ah tu verras, je me déguiserai, je ferai comme tu voudras, comme tu voudras, comme tu voudras, comme tu voudras, comme tu voudras. Femme objet de petite vertu, je deviens ton sujet quand je me mets nu. Femme objet de petite vertu, je deviens ton sujet quand je me mets nu. Femme objet de petite vertu, je deviens ton sujet quand je me mets nu. Això és Hola La Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Un, i dos, i un, dos. Dans mon île, oh, comme on est bien. pauvre soleil qui nous caresse et l'on paresse sans songer à demain dans qui se balance en silence, nous rêvons de nous. De la Havane vivait la jolie Juanita. Comme son père plantait les bananes, on l'appelait Juanita Banana. Elle avait une voix magnifique et rêvait de chanter à l'opéra. Mais son père, qui ne pigeait rien à la musique, disait: ma fille a une drôle de voix. Ah, banana, Juanita banana, Juanita banana. Cachette et prit le train pour Cuba. Deux mois après, elle était vedette, la grande diva de l'opéra. Quand on lui dit qu'avec une voix pareille, sa fille gagnait des millions, le père courut au village, s'acheta une guitare d'occasion en criant « Au diable les bénènes, je me lance aussi dans la chanson !» Et alors la, la, la, la. Així, escolteu la música de l'Henri Salvador, Juanita Banana, una cançó prou coneguda, i també Dance Monique, el que hem escoltat abans, en Henry Gabriel Salvador, que va néixer a la Guyana, a Sinamari, el 1917. A l'edat de 7 anys, el 24, la família es va traslladar a París i va descobrir la música a través de Louis Armstrong o Duke Ellington. Quina revelació! Al llarg dels anys va trobar el seu lloc a la música, cantant també en diferents estils, sobretot amb aquest més del Carib i també en diferents idiomes. Malalt d'amor és una de les cançons que avui també volem recordar de l'Henri Salvador. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Chacha si oué mi moué, ou amache l'œil moué. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chacha si oué mi moué, ou amache l'œil moué. Pich mimi piti, i piti tout piti. Si on t'y sait pas rage, mes amis méfiez-li. Quand t'y t'es li en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lui c'est la mort, cimetière en bataille. En bout de lui c'est la mort, cimetière en bataille. Oh, maladie d'amour, maladie des amoureux. Cherchez sur moi mes moins, ou à marcher derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Cherchez sur moi mes moins, ou à marcher derrière moi. Pich mimi piti. Et petit tout petit, si on t'y sait pas grâche, mes amis méfiez-li. Quand t'es tête li en l'air, veillez garder l'angli. En bout de lui c'est la mort, cimetière en bataille. En bout de lui c'est la mort, cimetière en bataille. En bout de lui c'est la mort, cimetière en bataille. Hola la Music, amb Rafael Corbí. Seguim recte final del nostre espai i avui hem estat amb una música també prou diferent. Sabem prou que la música més venuda en francès i més escoltada, sobretot també a França, és la música més d'actualitat. Amb un àlbum d'aquest 2020, Le Dernier Salopart, que ens aporta música de Dragovic. Dernier salopard, ma S. 4h du matin au mitard, je retrouve pas mon feu. J'ai toujours porté mes couilles depuis que je suis morveux. J'ai grandi dans le département le plus dangereux. J'sais qu'on n'entendra jamais ma S et morvieux. Passer la trentaine devient un exploit. Fini rafalé, tu passes dans l'express. Je la connais pas, la seule c'est qu'une extase. Je suis écouté du 59 au 13. On est dans un monde où l'essence est douteux. Midi sur ma montre, j'suis pas le terrain une fois sur deux. Y'a du pilon, des meurs, aussi de la bonne bœuf. Minuit sur ma montre, j'suis pas le terrain une fois sur deux. Quelques billets cachés, j'vends la mort en sachet, moi. J'voulais juste voir autre chose, moi. J'suis payé en caché, la main sur la gâchette, moi. J'voulais juste voir autre chose, moi. Appris à chasser, moi. On m'a pas ramené à graille. Lumière éteinte, j'attends toujours que vienne ma paye. Dragovic va goûter les chantes à la paille. J'avais ce qui suit sur deux bites et les maquerelles. J'ai eu une escalade où bah je me barre en taille. 450 euros de bénéfice sur la quête place. Un truc à ma cellule, j'vends du shit même au rejeta. 450 CRF en IL Honda. Plus le temps pour les têtes à tête, le peuple on vous répondra. Dis-moi qui réplique, dis-moi qui reste là. Toujours dans ma tête, j'ai carrément un reste là. J'irai pas loin avec le RSA. J'finirai par être censuré par le CSA. Y'a des kilos cachés dans l'habitacle. Devenir riche ne s'apprend pas à l'école. J'ai passé la donne, j'attends ma liste va. J'recompte le papel, j'suis avec Lisbonne. Així escoltem aquestes cançons d'aquest darrer àlbum de Mice, aquest rapper francès que és d'origen marroquí de la comuna que està al nord, crec recordada, al nord-est de París, Geffrand, situada a una vintena de quilòmetres, deu estar del centre de París. El seu nom és Walid Djouji, va néixer a Ville-de-Pin, Saint-Saint-Denis, a França, el 1995, i va debutar amb un àlbum el 2018, que es deia Pur, i amb aquest disc que us estem presentant ara mateix, de Denis Salopoc, ha arribat al número 1 a França i també a la part francòfona de Bèlgica, número 2 a Suïssa. Un àlbum seguint doncs el que ens aporta l'actualitat, les cançons més escoltades amb aquest ritme de hip-hop, de rap. Hi ha cançons com aquesta que acabem d'escoltar, que és de Jovic, la primera, Distant amb Niño, que és el tema que va sortir també com a senzill d'aquest disc. També Street va ser una altra de les cançons que van sortir d'aquest àlbum. J'arrive en full Burberry, dans la chambre j'ai coffré Barbara. J'suis dans les bails, dans toutes les stories. J'ai mon Glock et ma puce les barres. Et pour surmonter tout ça, fallait de l'honneur. Elle vient de Carthagène comme ma 09. J'ai des millions d'euros, toujours pas le bonheur. Des millions d'euros, toujours pas le bonheur. La SACM de Johnny, la même que Soprano. J'rigole bourré dans le 4 anneaux. Celui qui va mouette n'est pas né. Kishta kishta j'deviens paro. J'suis sur le raté comme Diego Maradona. J'irai la viscère à Kinka à Madonna. J'ai rajouté de la truffe dans mes raviolis. Starfall là j'suis dans la jungle, baby follow me. Distant, distant, paro j'deviens distant. Pas de changement avant la mi-temps. J'fais du bis, c'est évident. Terrain, bolos, billets dans le ghetto. 24, 27, ça dépend du bédo. Dans mon bedroom, ils viendront me lever à 6. Tout pour le bif, j'vais inventer mon PV. Pas plus savoir où les mettre. Sois sûr que pour une terre, on va te la mettre. J't'arrange sur le sang, j'ai toujours les mains dans la merde. On sait qui pêche, on sait qui ramène. Dans ta tête, la balle du 9000 est finie dans ta tête. Fermeture à minuit sur le terrain de gauche. J'ai chargé le peuple, bon, j'arrive dans ta tête. J'encaisse que des billets couleur Audi cash. Ils voudraient avoir ma plata, mais pour eux j'ai que le plomo. Dis pas que t'as des bagages plus cartables. Si on t'a tout ramené sur un plateau, elle connaît la réponse sur la question. Grandi dans la rue des mauvais garçons. compliment mon revêt sans les glaçons. Elle connaît la réponse de la question. Ça fait trop longtemps que j'attends mon tournoi. Je vais sûrement finir meilleur buteur du tournoi. Prends les feux comme lui aveuglé sur moi. Colle cette R, j'ai mon fenêtre sur moi. Distant, distant, paro, je deviens distant. Pas de changement avant la mi-temps. J'fais du bif, c'est évident. Terreur, bolos, billets dans le ghetto. 24, 27, ça dépend du bédo. Dans mon bedroom, ils viendront me lever à 6. Tout pour le bif, bif, bif, bif. Mais t'inquiète pas, ça ira. Au ciel on va aller. J'vais laisser mes biens en bas. Toutes mes années de galère. Où j'me disais ça ira. Fais un pas de travers. Une bécane tu t'en iras. J'fais ce qu'il a par cœur. C'est soit Bercy, soit du fer. J'suis dans le carré. Loin de Bradard si j'ai mon fer. J'barre dans la ville. 700 chevaux Ferrari. Tu connais le tarif. Fais pas le gros 6 pour un kill. J'm'y crava pas d'air, j'vends la moulin dans le blendo. 12h à 12h, j'fais partir 3 kilos d'aïe. La cover marmot, moi j'voulais juste la canne. T'es chez moi pas haut, j'me rappelle plus de la vie. Elle va s'en remettre si tu savais. Blanche ou caramel, tu s'en remets. J'suis à la night, elle va s'en remettre si tu savais. Blanche ou caramel, tu s'en remets. Nous restons sur le bateau, jamais il ne chavira. Je devais voir en dessous, au final j'ai vu Samira. Passe-moi à travers, jamais tu ne me graviras. Tu n'as pas de valeur, jamais on ne se ralliera. Je ne connais pas le bon, à part celui dans la jambe. Drapeau est noir et blanc, je reste devant. Je préfère être à l'attaque. Si je n'ai plus de limite, je m'arrête au oh. Mon linge bon personne, j'y rachète tout. Je ne demande qu'à t'aimer, te montrer mon main. Quel est le Versace, le D, j'ai les trop bonnes. Voilà les CB, je vais l'emmener à l'étranger. Peut-être sur place, je vais les changer. Faire le clair ou l'étrangler. J'suis quand les G, que leur CB. J'traga là, mon mot est ni beaucoup de cash. Je la séduis, on tire dessus. J'entends des bruits, mais mon réserve, je la détruis. J'viens du neuf, de la quality. Tu connais déjà l'état d'esprit. Elle m'a demandé combien ça coûte comme si j'avais regardé prix. J'suis à la night, elle va s'en remettre si tu savais. Blanche ou caramel, tu s'en remets. J'suis à la night, elle va s'en remettre si tu savais. Blanche ou caramel, tu s'en remets. Nous restons sur le bateau, jamais il ne chavira. Je devais voir en dessous, au final j'ai vu Samira. Passe-moi à travers, jamais tu ne me graviras. Tu n'as pas de valeur, jamais on ne se ralliera. Hem arribat fins al final del nostre programa avui amb Jean-Louis Mogat, amb Lucy Valentin, amb Enrique Salvador i amb Mae, amb aquestes darreres peces importants totes elles perquè han arribat al capdamunt de les llistes de França, sobretot també aquests dos darrers temes que escoltem sense ser senzills oficials, el Blanche amb Vuva i aquest Divala amb Jul, han arribat al número 2 i al número 3 respectivament. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La propera setmana, si vosaltres desitgeu més música en francès, olala música. Sur ta tête, quand y'a problème, t'es plus dans la tête. Quelques jolies filles pour regarder mes pires ennemis. 10 appels, j'suis sur l'inté, on clique des filles. Sa gauche de me parfumer. Me fait compter pas les chiffres, quand on parle, faut assumer. Mais j'détaille plus, j'fais du chiffre. Trop de frères ont incarcéré. Tu pas ta nuit, t'es là-bas, j'suis la durée. Tiens, en platine, j'suis brouillé. routine, j'suis rassuré. T'es du mauvais côté du pont. J'me suis levé mal luné. J'ai fait un trou dans les comptes, dans les pleurs et les rires. J'suis méfiant, j'me confie pas. On s'était kiffé par le Jack Mérine. Si j't'aime, mais j'en vais cette noche. J'suis pas là. Numéro 10 sur le raté. Dis pas là. Bébé, m'attends pas cette noche. J'suis pas là. Numéro 10 sur le raté. Dibala, Dibala. J'fais des passes, ballon de peufra, Dibala. 10h minuit, viens pécho ton Dibala. J'fais des passes, ballon de peufra, Dibala. 10h minuit, viens pécho ton Dibala. Audi noir, c'est la nuit, sur la A7, j'vois la lune. J'tire une barre, les pleins phares de 80 sur le bitume. J'suis avec ma petite, j'fais une petite balade. J'suis avec ma petite, j'fais une petite balade. J'vois les képis, j'cache la salade. J'vois les képis, j'cache la salade. Tout ce que j'ai vu si tu savais. Tout ce que j'ai vu si tu savais. Mon tous dessus, j'reste tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. J'fume de la frappe, c'est de la Dibala. En dépit dans la voiture italienne. Quand j'ai besoin, t'es toujours pas là. Y'avait un bruit, j't'ai vu détaler. Ce que ça se fait pas juste pour Dibala. Ça t'appelle pas, ça veut plus te parler. C'est plein de cambut, voilà l'étalage. Et ça regrette pas aux gens du palais. Me dis pas si gros, me dis pas ça. J'suis dans le taxi sous Mexicana. Bébé me dit où tu vas toi, t'es jamais là. Bébé me dit s'il y a des nanas, tu restes là. Bébé m'attends pas cette noche, j'suis pas là. Numéro 10 sur le raté, Dibala. Bébé m'attends pas cette noche, j'suis pas là. Numéro 10 sur le raté, Dibala. Dibala, j'fais des passes, ballon de peufra, Dibala. 10h minuit, viens pécho ton Dibala. J'fais des passes, ballon de peufra, Dibala. 10h minuit, viens pécho ton Dibala.